Fadjet. Une radio locale, citoyenne et solidaire. 18h. Il est temps pour vous de retrouver toute l'équipe de Destination Série. Précédemment, dans Destination Série. Je sais pourquoi vous voulez ma tête, monsieur Bauer. Je veux votre tête, non, monsieur le sénateur. Là, il faut une explication. Kosovo ! Je sais que vous me tenez responsable de la mort de vos hommes. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Vous connaissez l'opération Crépuscule ? Je l'ai autorisé, cette mission. Il fallait bien marquer notre retour en ce vendredi 13 février. C'est la 848e édition de Destination Série, saison 24, première chanson. Oui, on aurait pu passer du Modern Talking, mais non, Laurent. Voici Lowley, dernière soirée. Notre ami Lowley, plutôt Léo, si vous avez suivi la Starac. Star Academy. Il a sorti son premier single, et franchement, il fait pas la tournée, mais elle dépote cette chanson. On lui souhaite, eh bien, le plus grand succès. Si on part ce soir, ma belle, j'en ai plus rien à faire de cette soirée de merde. On a déjà fini toutes les bières. On va sur des trucs dont on ne sera pas fier. Si on part ce soir, est-ce qu'il en restera encore de ces trucs de merde que tu balances quand t'as tort? Et on crie, on pleure, on rit, on stresse, on se demande quoi dire pour que l'autre se blesse. À la quatrième place, c'est Scène de ménage. Un toujours prime. Pas fini, ça, c'est interminable. Scène et de ménage. Ils renouvellent un peu, mais disons que là, ils avaient innové parce ouais. qu'ils switchaient les ils endroits. Ils switchaient les endroits. Ils allaient ils les, gens... les personnages, ils les déplaçaient chez les autres. C'est du Airbnb, mais chez tout le monde. Ouais, qu'est-ce qu'on en pense de la Belle et le Qu'est-ce Boulanger qu'on en pense, oui. Oui, alors. Bonne question. Alors, bon, moi, j'ai regardé les deux soirées. C'est sympa. Amir se défend plutôt pas trop mal. Bah, il est sympathique, en fait. Il est sympa, voilà. Quoi qu'il fasse, tu le mets sur une chaise, il est sympa. Ouais, c'est vrai. Alors, je sais pas vrai. Si c'est pas comme Léo Mathilde, dont on parlera peut-être. Voilà, c'est pas si c'est flatteur pour Amir. Le monde n'attend que nous. N'étant pas là, c'est un peu compliqué de jouer avec puis des t'as points. T'as oublié de me donner tout. Les réponses parce que tu me les donnes d'habitude. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, on va un peu changer le concept. Wow. J'ai eu l'idée pendant la nuit. Alors, vous savez, je crains le mon pire. Cerveau est un peu bizarre. Donc, si ça marche pas, ça marche pas. C'est pas très grave, y a pas de point. Le but, c'est qu'en vrai, je vais vous pitcher des pitchs de séries. Il faut savoir si ce sont des vraies séries qui existent ou des fausses. Des passagers d'un avion découvrent qu'ils ont disparu pendant plusieurs années Lost, sans savoir. Lost, oui. T'es sûr de toi ? Ouais. C'est pas ça. C'est pas Lost. Non, c'est pas Lost. Hein. Ils ont pas appris qu'ils avaient disparu. Ils ont disparu. Ils ont disparu, de... oui. Bah. Les passagers d'un avion découvrent qu'ils ont disparu pendant plusieurs années c'est, sans les 100, savoir. Les 100, non, les 1100 ou... Non, c'est pas les 1100 non plus. Non. Mais ça existe. Oui, ça existe. Ça existe. Oui. Vous avez pas la série ? C'est du facile, ça. Ils ont disparu et ils reviennent. Bah c'est les 100, non c'est non, pas ça. Non, c'est pas les 100. Manifeste. Manifeste, oui, voilà, je l'avais, c'était Manifeste. Voilà. Un ancien hacker est recruté officieusement par la police pour infiltrer un forum clandestin. Oui, c'est avec l'acteur qui a fait Freddie Mercury. Comment c'est le titre c'est pas Mister Mercedes, c'est comment c'est Mister Nobody. J'ai inventé ce speech. Ah bon. Un ancien hacker est recruté officiellement par la police pour infiltrer un forum clandestin. Tous les vendredis dès 18h sur Fadjet, Destination Série. À ce moment précis, vous vous apprêtez à accéder à un nouvel épisode de votre émission Destination Série. Retrouvez Laurent, Benoît, Manon et Sylvain. Vendredi 20 février 2026, Destination Série numéro 849. C'est le 15e numéro de cette 24e saison. Eh bien, nous sommes deux aujourd'hui, mais on est quand même là et bien là. Et je salue avec plaisir Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Benoît, j'adore la musique de fond. Eh oui, il nous a fait de petites surprises Laurent, puisque Laurent, c'est Laurent lui-même hein, qui a monté... Au moins il est là par les Modern Talking. Il est là par les Modern Talking, il a monté le petit mix que vous venez de voir, le petit pré-générique de ce qui s'était passé à l'épisode 14, et il nous a fait une petite surprise à la fin. J'aurais pu m'arrêter avant, mais c'est sa présence qui est là avec les Modern Talking, et ne pas des moindres, hein, puisque c'est le premier single des Modern Talking. Mais où est Manon ? Manon, eh bien Manon sera là avec nous tout à l'heure. Et Sylvain, j'ai dit à Sylvain, oh, oui. Allez, hein, ça s'est bien passé la semaine dernière. on reprend les mêmes. Allez, tentons quelque chose qu'on n'a pas encore fait. C'est Manon en direct tout à l'heure, en direct par téléphone, donc vers 18h50 pour le Manon Série Quiz. Ah, j'ai cru qu'on allait parler avec Laurent. Non. On aurait pu faire à 4 avec Manon. On aurait pu faire aussi à 4. On le fera peut-être aussi. Oui, on le fera une fois à force. Il faudra bien qu'il soit là. Allez, comme le veut la tradition, tout à l'heure, bien sûr, le C'est Actu, puis Secrètement Vôtre. Allez, on peut avoir un petit teasing sur Secrètement Vôtre. Ouais, c'est super dur, déjà entre le générique et tes indices que je donne au début. Non, mais je ne sais pas, l'univers mystérieux. Il y a une trache, c'est dur à dire. Une affaire de maison, voilà. Ça parle d'une maison. Et ben voilà. Entre autres, même si c'est pas le sujet principal. On peut déjà chercher dans sa petite tête les séries où on évoque. Tout se passe dans une maison. Tout se passe dans une maison, donc c'est déjà un élément intéressant. Allez, mais tout de suite, avant cela, avant le mur des hits, avant tout, il y a le rétroviseur 2.0 qu'on a presque surnommé 3.0 depuis qu'on a changé un peu le concept. Bon, je comprends plus rien. C'est quoi les règles ? On ne joue plus. En fait, on ne joue plus. On va avoir. Je vais vous énoncer les 5 séries. Je suis un peu tout seul à jouer en même temps. 5 séries de la semaine. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. Allez, le rétroviseur, c'est parti. Le rétroviseur 2.0. Et moi, je peux pas m'empêcher de jouer un peu quand même. La semaine dernière, rappelle-toi qui était numéro 1 ? Bah, Léo Mattei, bien c'était sûr. C'était Léo Mattei. Alors, est-ce que Léo Mattei est toujours numéro 1 du rétroviseur cette semaine ? On ne sait pas. À la 5e place, eh bien, c'est une surprenante série qui date déjà de quelques années. C'est Ainsi Grand Soleil. Je ne sais pas si tu te rappelles la semaine dernière. C'est le fond de commerce. C'est le fond de commerce, ouais. Voilà, et donc, à cause des Jeux Olympiques, il n'y a pas d'épisode de quotidien sur France 3 à 20h50. Mais pendant les 2 semaines des JO, France 3 fait une soirée Ainsi Grand Soleil. On en avait parlé la semaine dernière. Elle n'avait pas atteint la 5e place. Mais là, elle l'atteint. Donc, elle a fait plus fort que la semaine dernière. Vous étiez 2 150 000 téléspectateurs le mardi 17 février pour suivre la soirée d'Ainsi Grand Soleil. À la 4e place, c'était lundi soir, c'était le retour en rediff, et ça c'est plutôt une bonne chose. De l'ami de Laurent qui est... Du nounou. Voilà, Boudère. 2 288 000 téléspectateurs étaient devant TF1, 12,4% de part de marché. Tu sais quoi, je suis tombé dessus, mais j'étais content de le revoir. Ah ouais, je suis resté un petit peu parce que c'est comme quand on retrouve un vieux copain. Et ouais. Ben, j'étais content de voir Boudère. Et Boudère revient puisque lundi prochain en inédit. Mais bien sûr, mais c'est inédit, malin, TF1, ils réchauffent les plats pour nous servir des nouvelles recettes. Le retour d'Elsbeth à la 3e place. Bon, 2 419 000, c'est pas non plus... C'est pas foufou, mais la semaine dernière, elle était où la semaine dernière ? Elle était bien en dessous. Elle était à la rue. Elle revient dans les 5 premiers, 13,1% de part de marché. Alors, c'est sûr qu'il y a les Jeux Olympiques tous les soirs, donc c'est vrai que... Ça n'en finit plus, les Jeux, ça s'arrête quand ? Ah, c'est bientôt, c'est encore une semaine. Ce sera fini bientôt. Donc, alors après, il reste, donc on a 5e Ainsi Grand Soleil, 4e La Nounou, 3e Elsbeth, 2e, eh ben c'est Léo Mattei. Bon, est-ce que je peux faire semblant de ne pas être content? 3 141 000 téléspectateurs, 455 000 personnes de moins quand même. Hein. Ouais, non, mais on est toujours sur des valeurs hautes, on va dire. On est quand même pas mal, et attention. Moi, j'aurais dit Boudère, tu vois, ou Léo Mattei en premier. Eh ben non. Bon, après, il n'a pas été battu de beaucoup, hein, puisqu'avec 3 183 000 téléspectateurs, le samedi 14 février, c'est les fameuses meurtres à... Ah bah oui, non, mais... Meurtres aux îles de l'Airain. Tu touches l'intouchable. Sur France 3, qui était effectivement... actuellement en tête avec 19,8% de part de marché. Voilà, le samedi 14 février. Est-ce qu'un jour ça marchera plus cette série ? Je ne sais pas. Ça cartonne c'est toujours, indéboulonnable. Toujours et en rediff incroyable. Ou en inédit. Gros succès. Gros succès. Tant mieux, je veux dire, ils ont un bon truc, ça marche, c'est le but. Hein. Donc ils font les îles, les villes, les grandes villes, enfin les mêmes... Moi j'étais très sceptique parce qu'au début je pensais que ça allait attirer les locaux, quoi, les gens du coin, de la ville où il y a le meurtre en l'occurrence. Mais non, apparemment toute la France attend, je pense, regarde et, en attendant sa ville. Bah c'est vrai, en plus oui. C'est ça le truc. Oui, et je pense qu'à mon avis, si on avait une vision, enfin... une audience un peu plus affinée par région, effectivement, ça doit faire un tabac dans le sud de la France, en région PACA, ils étaient très nombreux à regarder Meurtre aux îles de l'Érins. Ou alors l'effet inverse, t'as vu Meurtre à Nancy, t'as bien aimé, et tu restes pour voir les autres. Ça marche aussi. Ça marche aussi, oui, c'est vrai. Tu avais vu Meurtre à Nancy ? Je crois que oui, mais c'est loin quand même. Oui, c'était effectivement intéressant. Voilà, donc, ça continue. Alors, je crois qu'il y a une info, je ne sais pas si je l'ai vue dans le cet actu, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Par rapport au meurtre A, puisque France Télévisions a décidé de faire une petite pause. Ils en ont pas mal en réserve et donc ils ont décidé de ne plus en tourner pour le moment. Donc voilà, mais rien n'est perdu, rien n'est définitif bien sûr. Mais la France Télévisions veut faire quelques économies sans doute pendant quelques semaines. Avec tout le chamboulement qu'il y a en ce moment, la commission. Voilà, donc je pense que... faire discret, oui. Ils veulent effectivement faire ça au mieux. Voilà ce qu'on pouvait dire du rétroviseur. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, dans la semaine, que tu as regardé ou... À part Boudin, où je suis retombé dessus, effectivement, ouais. qui est bien classé comme d'habitude. Non. Dans la TNT, rien de spécial. Alors, est-ce qu'on peut dire que des films à plusieurs volets sont des séries. Ça peut. On en avait un peu abordé. On avait abordé la question avec Laurent, il avait dit que oui. Oui, ça peut. Donc oui. J'ai regardé avec grande nostalgie l'Indiana Jones de mardi, puisque mardi sur M6, il rediffuse toute la saga. Donc on va faire le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Et on va être occupé pendant 5 semaines. Très bien. Eh bien, c'était ton coup de cœur. Moi, j'avoue que je n'ai pas trop regardé la TNT. J'ai regardé un peu Elsbeth. Comme d'habitude, puisque je regarde Elsbeth. Pour s'endormir. Non, c'est une belle petite enquête. Et toujours bien imagée, là, cette semaine. C'était encore de très, très beaux épisodes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre rétroviseur 3.0. Dans quelques instants, nous allons bientôt partir dans cette fameuse maison dont on se demande qu'est-ce qu'il s'y passe, dans quel univers allons-nous aller. C'est mystérieux. Le teasing d'enfer. dans une semaine, jour pour jour. Alors, si on avait eu une émission la semaine prochaine, parce que vous savez que c'est les vacances la semaine prochaine sur Fadjet, on aurait plutôt passé la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, c'est les enfoirés. C'est la traditionnelle soirée enfoirée sur TF1 avec le visionnage, la diffusion des concerts qui sont passés à Paris. C'était à l'Arena cette année, des enfoirés. Donc, chaque année, il y a un single. Ça s'appelle « Tout se casse » et c'est notre mur des hits. À noter que les enfoirés font coup double. Cette année, il y aura deux singles. Il y aura un autre single qui doit sortir la semaine prochaine puisqu'ils ont décidé d'avoir deux singles. Un single pour annoncer un peu les concerts et un pour annoncer le DVD qui va donc sortir vendredi prochain. D'accord. Allez, aujourd'hui, j'ai aussi décidé de m'amuser. Ouais. Oh merde, on a ouvert une case. Voilà, on ouvre qu'est-ce une case. Qu'est-ce qui se passe ben qu'est-ce qu'il y a dans la case? Et dans la case, c'est les enfoirés, donc, avec tout se casse. Chaque fois, chaque semaine, je me upload autre chose. Allez, les enfoirés, tout se casse. C'est une très, très belle chanson à découvrir et à redécouvrir et à écouter longuement. Et surtout, acheter l'album pour la bonne cause. Moi, je suis la rancard à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas. Volets fermés, t'as touché le fond tendu. La machine à penser est cassée. C'est l'histoire des enfoirés. Les restos du cœur serré. Les hirondelles bénies. c'est quand même. Toutes les lettres y sont passées, presque tout l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, déjà 40 ans. On a trop tiré sur la corde du passé. J'ai déjà déchanté dans le regard d'un enfant. Si tu crois qu'on a trop rêvé, si tu crois qu'on a tout pleuré, si tu crois qu'on a trop rêvé, si tu crois qu'on a tout crié, quand tout se casse, quand tout se casse, est-ce qu'on peut sauver quelqu'un quand on aime? Est-ce qu'on peut sauver quelqu'un? Je sais quand même. Vendredi dès 18h sur Fadjet, Destination Série. Aujourd'hui, dans Secrètement Vôtre, il sera question de portes qu'il faudrait mieux ne jamais ouvrir. D'objets anodins, capables de bouleverser une vie entière. Et d'une maison où chaque recoin cache un secret. Sylvain nous révèle les coulisses d'une série où l'imaginaire sert à parler de choses très réel. Oui, une minute, j'arrive, une minute. Oh. Allô? Oui, j'écoute. Que fait-on? Il faut avoir l'air naturel. Chut. Pas de bruit. T'es prêt? Ah oui. Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Si jamais, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique « Secrètement vôtre », présentée par Sylvain. Bienvenue dans « Secrètement vôtre ». La chronique qui farfouille dans les coulisses des séries. Ici, on révèle les secrets que même les figurants n'osent pas murmurer à la cantine. The house est rempli de clés extraordinaires. Il faut que tu les écoutes. Elles chuchotent. T'as entendu? C'est pas un jeu. On sait pas à quoi servent ces clés. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Il y a une créature qui veut ses clés. Une créature maléfique. Peu importe ce que tu crois savoir à propos de ces clés, tu te trompes. Alors, Benoît, je crois que tu as reconnu la série. Je crois que c'est Look and Key, c'est yes, ça? Yes, bien joué, en anglais, dans le texte, bravo. Tu l'as très bien dit. Oui, c'est une série qui date de 2020, qui est sur une plateforme évidemment, puisqu'elle n'est pas passée à la télé, ou du moins pas encore. Nous avons 3 saisons, 28 épisodes, et on verra un peu plus tard qu'il ne devait pas y en avoir un quatrième, mais on va y revenir. Eh bien, cette série, si vous ne la connaissez pas, ça se passe après un drame familial. 3 enfants découvrent une maison ancestrale remplie de clés au pouvoir surnaturel. Chaque clé ouvre une porte, mais aussi un danger. Et c'est là que la série prend tout son essor. La série mêle fantastique, trauma et héritage familial. Alors, dans les anecdotes et les secrets, il y en a quand même beaucoup, mais on va revenir sur quelques-uns. Déjà, il faut savoir que c'est la 3e tentative d'adaptation cinématographique, ou moins aux séries ou télé en tout cas. C'est la 3e tentative, parce que le premier essai remonte à 2010, qui était intéressé par le projet Stella Fox, qui commande donc un pilote pour une série qui est basée sur un comic book qui s'appelle Lock and Key Milady, écrit par Joe Hill. Et on reviendra sur ce Joe Hill, parce qu'il a de l'importance un peu plus tard. Plusieurs noms sont évoqués aussi pour l'adaptation, dont celui de Steven Spielberg, il faut le savoir. Mm-hmm. Il avait été dans les listes, mais c'est finalement Mark Romanek, qui est connu pour les clips de David Bowie, de Jay-Z ou de Madonna, qui va tourner le premier épisode pilote. Malheureusement, ce premier pilote est refusé par la Fox. Pourquoi ? Parce que c'est trop sombre, trop meurtre, trop tout. Eh bien, ils ont refait un pilote, et cette fois-ci, c'est avec Netflix qui a fait un reboot total. Et là, on a pu démarrer cette saison. Stephen King, il faut le savoir, a été personnellement lié au projet. Et là, je donne un gros indice. Il a non seulement recommandé l'œuvre, mais il a aussi une amitié avec l'auteur du comic, ce fameux Joe Hill. Et c'est aussi un soutien public décisif pour la série, puisqu'il l'a effectivement mis en avant, et ça a peut-être participé aussi au succès. Alors, les clés dont on parle dans l'introduction, ce sont des clés qui viennent en fait d'un traumatisme personnel. Dans l'écriture, c'est une métaphore pour justement parler des traumatismes. Le co-créateur, donc, qui est Joe Hill, le nom sur lequel j'ai appuyé tout à l'heure, son vrai nom, c'est Joseph Hillstrom King. Et ce n'est ni plus ni moins que le fils de Stephen King. Et Joe Hill, en fait, est l'auteur et scénariste de la bande dessinée originale, qui s'appelait Lock and Key Milady. C'est lui qui a écrit la BD au départ, et il a été producteur et scénariste de la série pour l'adaptation. Donc la boucle est bouclée, et c'est pour ça qu'on a une série de qualité, et respectée aussi dans l'écriture. Donc, si vous pensez aussi à Hitchcock qui apparaît dans chacun de ses films, eh bien Joe Hill apparaît aussi dans la série. Il apparaît en secouriste. Alors là, bon, faut le savoir parce qu'on le connaît pas. C'est vrai. Il est barbu, des lunettes, un peu en bon point. Donc, si vous regardez la série, vous verrez un barbu à lunettes, c'est Joe Hill qui est donc un secouriste dans la série Lock and Key. Le comic book est né après, donc comme je disais, après un drame réel. Alors j'ai cherché, mais il n'y a pas d'explication vraiment bien claire. Donc j'ai pas voulu spéculer sur des rumeurs. Et le fantastique est utilisé comme une métaphore du deuil dans cette série. Mais on sent qu'il y a un terrain effectivement assez lourd derrière. Chaque clé représente en fait une peur humaine, parce que c'est quand même le but de la série, c'est qu'ils vont trouver des clés au fur et à mesure des épisodes, et chaque clé ouvre soit des portes ou s'insère à l'arrière du crâne. C'est très curieux dans la mécanique, mais c'est tellement innovant comme série dans l'histoire que on est comme des enfants en fait devant cette série. Et en fait, chaque clé représente la perte d'identité, le contrôle, la mémoire, la mort. En fait, aucune clé n'est décorative ou n'est pas connectée à l'intrigue. En fait, tout a une utilité. Tout s'articule très très bien. Elles sont tous plus ou moins dangereuses aussi. C'est surtout ça le problème, parce que tout ce qui est puissant est dangereux en fait. Et les clés sont très puissantes, parce qu'on peut rentrer dans la tête de l'un des personnages, ou alors se transformer en fantôme. Enfin, il y a mille... Je pense que c'est sous-exploité dans la série, mais il y avait tellement de choses à explorer que c'était presque infini. Il faut savoir aussi les effets visuels, et ça, je l'ai appris en faisant la rubrique d'aujourd'hui, c'est que la plupart des effets visuels sont pratiques et non pas numériques. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de travailler en décor naturel, réel, avec des mécaniques physiques, pour donner plus d'authenticité. Et ça donne en fait une texture un peu ancienne, un peu comme on aimait bien dans les années 80-90. Il y a une saveur en fait particulière dans cette série. Et puis c'est un choix qui est coûteux, mais ça donne vraiment une patine, je trouve, et que ça marche très bien. Alors, Ça fait partie, je pense, du charme de cette série. La maison, j'en parlais, est un personnage, en fait, à part entière, parce qu'elle est construite, effectivement, en studio partiellement, et l'architecture est pensée comme un labyrinthe mental, d'où l'importance de trouver des clés pour débloquer des zones du cerveau. Tout est... Quand on a cette lecture et qu'on revoit la série, on ne la voit pas de la même façon. Ce n'est plus un divertissement, il y a une vraie recherche humaine derrière tout ça. Les acteurs, en fait, n'avaient pas accès à tout le scénario aussi. Ils avaient été malins parce qu'ils ne donnaient pas les scénarios à l'avance. Ça permet d'avoir des surprises émotionnelles, puis aussi des réactions authentiques, tout simplement, à l'écran. Ça, je trouve que c'est malin, c'est osé, mais ça marche bien parce qu'on a des vraies réactions en direct la plupart du temps. Tout n'était pas dit aux acteurs. Et la fin était connue dès la saison 1. Il n'y a pas d'improvisation, l'arc narratif était fermé, et c'est rare pour une série Netflix parce qu'ils décident de l'arrêter après 3 saisons parce que c'est la fin de l'histoire. On aurait aimé une 4e, hein, personnellement, moi je signais tout de suite, parce que les clés, comme je disais, c'est tellement infini comme possibilité d'exploiter ce sujet-là, j'aurais bien aimé une suite. Et l'arrêt est volontaire, comme je disais, après 3 saisons, ce n'est pas une annulation, c'est un choix créatif assumé. Et puis ça évite aussi l'usure, la répétition, on pourrait le dire, mais bon, c'est un choix. Donc en conclusion, Lock and Key, si je ne vous ai pas donné envie d'aller le voir, ben, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais en tout cas, ça utilise le fantastique comme un miroir des blessures qu'on pourrait avoir chacun, des blessures intimes. Et chaque clé, en fait, permet d'affronter une nouvelle peur pour pouvoir la vaincre et avancer. Parfois, la plus dangereuse n'est pas... la clé que l'on connaît, mais c'est celle qu'on refuse d'ouvrir. C'est joliment dit. C'est aussi une histoire de famille. Mais tout à fait. Hein, il y a un décès au début, il faut le dire. Voilà, c'est pour ça qu'ils héritent de la maison. Voilà, ça commence par un décès, et il y a effectivement une famille qui essaie de se reconstituer après ce décès, et c'est là qu'ils vont découvrir, ils vont partir à la découverte. Parce que la maison est un héritage. Voilà, la maison est un héritage de la personne décédée. Et voilà, c'est le démarrage. Et après, on part effectivement, comme tu dis, dans l'exploration. Et pourquoi ils trouvent les clés? Parce qu'elles sont incroyablement dissimulées. Ce sont les enfants qui entendent les clés, voilà. Uniquement. Mmh. Un petit côté déjà un peu... Stranger Things. Ah bah, dès que tu mets des enfants, moi ça marche. Tu mets les Goonies, voilà. Stranger Things, j'y vais. Il y a la maison aussi. Je pense que je suis resté un enfant. En fait, je pense que la maison aussi, elle a un rôle... Tu en parlais, mais visuellement, elle en... Voilà, elle... Ah ben, oui, dès les premières images d'ailleurs, c'est elle qu'on voit d'abord. Tout à fait. Alors il faut savoir aussi, j'ai oublié d'en parler, en fait la série a été adoucie par rapport au comic, parce que le comic, en fait, il y va à fond. La violence, c'est à fond. Il y a des morts qui ont été supprimées pour la série parce que c'était beaucoup trop gore. Mais bon, c'est toujours la même chose. Soit on fait une série tout public à peu près, ou alors on respecte le truc et puis c'est réservé aux moins de 18 ans. Alors forcément, les fans addicts, les hardcore, les fans hardcore, ils ont dit c'est une mauvaise adaptation du comics. Mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Soit tu as le comics dans les mains, tu es content, ou tu regardes la série, et là tu peux regarder avec tes enfants. C'est ça l'avantage. C'est vrai. Non mais c'est une belle... Je voulais leur parler parce que... Oui, tu as raison, effectivement. C'est un... Je pense qu'on l'a pas assez mise en avant. Ouais. Puis c'est vrai que 3 saisons, ça passe vite. Oui. Et il y a peut-être autre chose à cette époque qui a un peu éclipsé la exactement, chose. Exactement, hein. Oui. Il faut fouiller des fois sur Netflix. Effectivement, c'est le problème de Netflix, parce que souvent, ouais, ils mettent 1, 2 ou 3 séries vraiment en valeur, et puis bazardent plein de choses en même temps. Et il faut aussi, effectivement, oser la curiosité. Ce sera le mot de la journée, on va oser. Je vais oser Boudère lundi, par exemple. Voilà, il faut oser, quelquefois, aller hors des sentiers battus. Tout à fait. Et aller, puis voilà, on regarde, on aime ou on n'aime pas. C'est ça, normalement, une série. C'est-à-dire, soit une série, vous regardez un épisode, soit vous êtes happé, soit vous n'êtes pas vous happé. Êtes happy. Vous êtes happy, et puis vous changez. Hein, et après, vous y revenez, hein, Laurent, comme Stranger Things. Voilà. Allez, merci Sylvain de cette belle plongée dans une série, donc Lock and Key. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez encore, elle est toujours disponible. Toujours. Et c'est 3 saisons sur la plateforme Netflix. Dans quelques instants, ce sera l'heure du 7 Actu, mais avant cela, retour à notre mur des hits. On ouvre une case sympathique et on va penser à Laurent. Laurent, non pas avec un modern talking, mais avec une charmante chanteuse américaine qui, elle, a choisi le Texas. Choosing Texas. Alors, on fait voler les Stetson et on pense au soleil du Texas. Ça nous ferait du bien. Hein, parce tu dis beaucoup, beaucoup de fois le Texas dans ta phrase. Oui, parce qu'on aurait besoin de soleil. Et c'est vrai que depuis... Il y en a au Texas. Tu sais que j'étais au Texas pendant plusieurs semaines. Ah. Et oui. Quand on parle de chaleur, c'est pas à moitié. C'est 40 tout le temps. D'accord. Et en fait, les gens... Il y a deux choses. Je vais juste terminer la parenthèse. Ouais. Au Texas, il y a deux choses que tu ne verras pas dans la rue. C'est des piétons et des vélos. Il fait trop chaud. Ah, des chevaux, des chevaux, non, même pas. Oh, non, alors par contre, t'entends des coups de feu la nuit, ça c'est bizarre. Ah, d'accord. En tout cas, Ella Langley, c'est une belle découverte. Ça s'appelle Choosing Texas et c'est dans Destination Série. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee, I should have known better than to take him back to Abilene. I put him right back into her arms. I wasn't a match for that kind of spark. She's from Texas, I can tell. Texas, I can tell by the way he's two-stepping round the room, and judging by the smile that's written on his face, there's nothing I can do. Oh oui, come on baby. Un petit vent de fraîcheur souffle sur Destination Série, comme nous dit le boss. Tu sais que je suis fan de cette musique. Ah, moi j'adore, moi j'aime bien le côté un peu country rock, moi j'adore ça aussi. Je suis un inconditionnel des Eagles, et un jour il va falloir qu'on passe ces titres-là quand même de temps en temps. Exactement, voilà, c'était Ella Langley, notée, hein. Vous la retrouverez d'ailleurs dans le Hot 40, elle est classée dans le Hot 40 parce que c'est un gros carton aux États-Unis, donc voilà. Merci pour cette découverte. Merci. C'est l'heure du C'est Actu avec vos deux serviteurs, puisqu'il n'y en a que deux. Donc, on est à fond. Il faut faire avec. Hein. Si on ne vous contente pas, tant pis. Hein. Vous n'avez malheureusement pas le choix. Allez, c'est parti pour le C'est Actu. C'est Actu avec Laurent et Benoît. Et c'est plutôt avec Sylvain et Benoît. C'est parti pour les infos de la semaine. Alors, aujourd'hui, on va parler de France Télévisions. C'est simplement une mise en pause, apparemment. Oui, j'en parlais tout à l'heure hein, dans le rétroviseur. C'est effectivement une mise en pause des meurtres A. Effectivement, le contexte économique est tendu. Le groupe devant réaliser près de 180 millions d'euros d'économies en 2026. Donc, ça coûte quand même un petit peu hein, de faire cette ambiance de ville et de région. Donc du coup, c'est une pause, mais pas un arrêt, hein, puisqu'ils ont pas mal d'épisodes en avance. Et donc la marque reviendra dans les mois à venir, quand ils auront un peu épuisé le stock. Et maintenant, Shemar Moore va faire son grand retour dans les Feux de l'amour. Shemar Moore ne la présente plus, connue du grand public pour son rôle principal dans SWAT, dont la saison 8 continue sa diffusion sur TF1 à partir du 11 mars 2026. Shemar Moore reprend le rôle de Malcolm Winters, ce personnage qu'il incarne depuis 1994 dans Les Feux de l'amour. Il ne sera pas seul, puisque Vivica Fox, qui jouait Stéphanie et qui avait quitté la série en 1995, fera également son retour. On ne l'avait pas vu dans Kill Bill ? Il me semble, mais il oui, me semble qu'elle jouait dans Kill Bill également. Exactement, hein. Oui, c'est la femme de couleur qui se fait attaquer au couteau par Uma Thurman. Rappel de ce parcours de Malcolm Winters, c'est un personnage emblématique du feuilleton. Plus de 13 000 épisodes, Malcolm a connu de nombreuses intrigues sentimentales. Il a été amoureux de Drusilla, la femme de son demi-frère Neil. Il a été marié à Olivia, qu'il quitte ensuite. Une relation avec Kaylee, puis une période un peu tranquille, avant d'avoir une idylle avec Alex, ravivant sa rivalité avec Neil. Ça ne vous parle peut-être pas si vous ne suivez pas la série, mais si vous êtes fan, vous buvez mes paroles comme jamais. Après avoir quitté la série en 2005, Malcolm revient donc en 2013 pour soutenir son frère devenu aveugle, puis en 2019, lors des funérailles de Neil, après le décès de l'acteur Christophe Saint-Jorn. Sa dernière apparition remonte en 2023 pour les 50 ans de la série. Allez, en retour qui s'annonce explosif et que l'on ne manquera pas de suivre. Shemar Moore, donc, dans les Feux de l'amour, c'est pour bientôt. Mais dis-moi, maison de retraite, au fait, après les films à succès, il n'y aurait pas une série sur TF1 ? Alors oui, effectivement, le succès des deux films Maison de retraite et Maison de retraite 2 qui ont cumulé plus de 3,5 millions d'entrées en salle. Et je ne sais pas si tu as vu les films. Mais il y en est passé cette semaine d'ailleurs. Il y en a un qui est passé cette semaine. Mais je tombais dessus. Mais en fait, bah franchement, je tombe sur Boudère, je tombe sur plein de choses en ce moment. C'est pas du grand cinéma, mais c'est plaisant. Ouais, mais voilà. C'est divertissant. C'est ce qu'on a besoin. Hein, c'est un petit peu les Claude Zidi, les Corneaux de l'époque. Voilà, ces films un peu. Alors, c'est peut-être un petit peu haut de comparer ça aux Corneaux à la Grande Vadrouille, mais c'est ces films populaires qui fonctionnent bien. Tu parles bien. De Claude Zidi, mais c'est Claude Zidi Junior. Et oui, en plus, c'est pour ça que je parle de Claude Zidi. T'es trop malin. Parce que Claude Zidi a fait des grands films comiques, mais là, c'est son fils qui a repris le flambeau. Et donc, Maison de retraite, la série, qui arrive très vite, elle reprend les personnages emblématiques du foyer Lino Vartan. La colonelle, jouée par Chantal Latsou, Alfred, Daniel Prévost, Sylvette, Liliane Rovert, Fleurette, Firmin Richard, Rico. Pourquoi ne pas appeler le Rico. On ne sait pas du tout qui c'est. Voilà, quand c'est Enrico Macias, ils n'ont pas cherché loin. Albert, Michel Jonas, qui est épatant. Mais oui, non, mais en c'est acteur. Mais j'adore c'est un chanteur. Super acteur. Mais acteur, il déchire tout. Il déchire. Et puis Claudette, qui joue son propre rôle, sans doute. Alors, la nouveauté majeure, c'est que l'établissement accueille des jeunes condamnés à des travaux d'intérêt généraux, les fameux TIG, provoquant un choc générationnel avec les pensionnaires. Alors, autre rebondissement, Milan, joué par Kev Adams, directeur du foyer et embarqué au commissariat par la police, et va confier temporairement la direction à Adèle, qui doit faire face à plusieurs complications. de nouveaux acteurs qui ont rejoint la distribution, dont Jarry, déjà présent dans les films, Pierre-François Martin Laval, Nicoletta également, qu'on connaît en tant que chanteuse, et plusieurs jeunes comédiens. La saison 1 comprend 6 épisodes diffusés par Salve 2. Est-ce que tu entends que les autres ne sont pas jeunes? Non, mais... Oui, non. Parce que... Ils ne sont pas forcément là. Tous ceux que j'ai dit là, ils ne sont pas tout jeunes hein, dans la maison de retraite. Mais il y aura plein de jeunes, hein, mais qu'on connaît... Ils viennent faire les tiges, les jeunes. Un petit peu moins, ils viendront faire les tiges. Exactement. Alors donc, 6 épisodes à partir du lundi 9 mars. On aura l'occasion, ce sera juste avant notre tour à 21h10 sur TF1. Kev Adams, qui joue quand même, mais qui sera un peu plus en retrait que dans les films, est co-auteur du projet et co-réalise la série aux côtés de Claude Zidi Junior. C'est ce que tu disais, effectivement. Voilà, un bon moment de détente après les vacances. Alors, on passe à autre chose. Bones va mener de nouvelles enquêtes. Oui, après 12 saisons et près de 250 épisodes dans Bones, Emily Deschanel s'apprête à revenir en tête d'affiche d'une nouvelle série policière pour NBC. Contrairement aux propos récents de David Boreanaz, qui s'est dit prêt à relancer Bones, l'actrice ne prévoit pas de reprise de la série. Elle va plutôt incarner un nouveau personnage, la professeure Georgia Ryan, une psychologue pionnière devenue profileuse. Est-ce que tu crois qu'on arrive à dissocier l'actrice de Bones, sincèrement? C'est dur. Hein. C'est dur, parce qu'on l'a... Enfin, c'est pas qu'on l'a vu que là, mais presque. Moi, oui, en tout cas. En tout cas, moi également. Donc, mais je pense qu'elle a fait autre chose. Mais c'est aussi le problème de ces gens un peu marqués au fer rouge par une série qui n'arrivent pas à s'en détacher. Hein. Autre solution, elle prend une petite potion The Beauty. Par exemple, ça sera pour tout à l'heure. Ne ratez pas ce grand moment tout à l'heure dans Ça ira mieux demain, l'émission. La fiction, donc, pour revenir à Bones, s'inspire du travail réel de la docteure Anne Burgess, spécialiste reconnue du profilage criminel. Dans cette nouvelle série, dont le pilote a été commandé en janvier, son personnage révolutionne les méthodes d'enquête en se concentrant sur les victimes plutôt que sur les criminels. Ouais, c'est marrant. Elle interviendra comme consultante pour le FBI afin de résoudre des affaires complexes en s'appuyant sur la psychologie et la sociologie. Mais il faut encore une série sur des profilers. Ouais, quoi. C'est encore, voilà. C'est comme, oui. À part ta phrase que tu viens de dire, en fait, ils se concentrent sur les victimes. Oui. Ça, c'est intéressant comme approche. Parce qu'on cherche toujours le criminel, mais la victime est peut-être le générateur du crime. Oui. Et de son côté, David Boreanaz a été choisi pour le pilote du reboot The Rockford Files. Si les deux projets aboutissent, les anciens partenaires de Bones pourraient se retrouver face à face lors de la saison télévisuelle américaine. Ce serait drôle. 2026-2027. Mais donc, vous durez donc effectivement Emily Deschanel sur NBC et David Boreanaz avec The Rockford Files sur une autre chaîne. Voilà. Et là, on va parler d'une série dont j'avais parlé dans Secrètement Vôtre. On va parler d'Alerte à Malibu. Et c'est Stephen Amell qui joue dans Arrow qui sera le héros du reboot et qui incarnera qui? Eh ben, le fils du... Et oui. Le fils de David Hasselhoff. Est-ce que c'est le vrai fils? Oui, parce qu'il est quand même... Il y a des acteurs qui ont joué le fils. Il y en a eu deux. Oui. Donc c'est... Mais c'est pas eux, j'ai regardé. Et non, c'est pas eux. un reboot d'Alerte à Malibu. Et beaucoup d'enfants, David Hasselhoff. Arrive prochainement sur la Fox avec Stéphane Hamel. Alors, Stéphane Hamel, pour moi, c'est Arrow. Je suis fan de cette série, je suis fan de l'acteur. Malheureusement, comme on venait de dire à l'instant, pour la pauvre... je ne sais pas si c'est la pauvre. Pour Emily Deschanel, je ne veux pas dire... Tu veux dire que tu vas voir Arrow dans Alerte à Malibu? Ouais, voilà. Alors, c'est ça. Moi, déjà, j'ai peur. J'ai peur. C'est encore un reboot, quoi. Un reboot. Et puis, Stéphane Hamel, il est un peu collé, un peu. Hein, ouais. Arrow. Il s'en est pas sorti d'Arrow, hein. Ah oui. Parce que là, il a fait une autre série. Ils ont arrêté. C'était Suite, le spin-off de Suite. Annulé rapidement au bout de 3 épisodes. Exact, hein. Oui. Donc pourtant, on aurait pu espérer. Tu veux dire que c'est à cause de lui que ça marche pas? J'en sais rien, je ne sais pas, mais en tout cas. Voilà. Est-ce que Alerte à Malibu, c'est uniquement le héros qui compte? Je suis pas sûr. Pas forcément, tout dépend mais du casting féminin quand même. Aussi. Oui, c'était quand même Alerte à Malibu, c'est David Hasselhoff et Pamela Anderson. Il y avait quand au même... départ, mais oui, il y a eu plein de. Ouais, mais c'était quand même porté par eux. Si tu filmes au ralenti sur une plage en maillot de bain, ça voudrait bien se passer. Ça marche. Bah, écoute, on suivra ça. Moi, je suis fan. Je regarderai, on va voir. Mais bon, puis c'est pas tout à fait un reboot. Hein, puisque... Mais ils ont commandé combien d'épisodes? Ils ont commandé 12 épisodes, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est osé, une série de 12 épisodes. Ce sera tourné entre Venice Beach et les studios Century City. Ah, ils sont revenus aux États-Unis parce qu'ils avaient fait le tour du monde quand même avec l'autre série. Exactement. Ah, bah, c'est bien, ils reviennent aux sources. Pourquoi pas ? Moi, j'ai envie de voir. À suivre. Donc, il deviendra, comme tu l'as dit, il reprend le rôle. Il incarnera Obi Buchanan, le fils de Mitch Buchanan, personnage emblématique de la série. Est-ce qu'on verra David Hasselhoff ? Ah, bah, à mon avis, oui. S'il n'est pas là, c'est pas possible qu'il appelle pas son père au téléphone. Il viendra pas avec qui t'es la voiture. Ou alors un coup de fil. Tiens, j'appelle. Voilà, on pourrait l'avoir une voix. Je pense que c'est implicite. Mettre le fils et pas voir le père. Voilà, je pense que. Mais moi, j'ai un doute. Je sais pas. Ils en parlent pas en tout cas. J'achète pas. J'achète pas cette série là. Je suis un peu déçu. Ah bon. Alors donc, rapidement, peut-être quelques mots sur la semaine qui arrive. On a parlé du nounou. Le nounou arrive. Un nouvel épisode et on sera dans le monde de la mode. Puisqu'il va... Il va bien bouder, en fait, ça, c'est complètement lui. Oui, c'est tout à fait ça. Il va être là pour seconder, enfin faire la nounou d'une... Oui, parce que c'est pour faire de la mode ou de la couture, j'y crois pas. D'une top modèle. donc on attend avec impatience. C'est une première partie, par contre. Oui, c'est vrai, puisque ça va s'étaler sur plusieurs épisodes. Dans la soirée. Oui, il y a deux épisodes à la suite. D'accord. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces... Et puis si quand même, non. Alors, oui, j'allais dire... On va pas terminer, clore cette actu par la malheureuse, triste nouvelle qui nous est arrivée ce matin. On l'a pris ce matin. C'est très récent et on pensait éviter encore de faire effectivement la mort d'Eric Dane, le célèbre docteur Glamour. Alors, on dit pas Mamour, c'est pas le docteur Mamour normalement. Oui, c'est vrai qu'on disait le docteur Mamour dans Grey's Anatomy. Mais je pense qu'il y a plusieurs titres. Je pense que c'est Glamour en anglais. Voilà, sans doute. Il était donc célèbre pour le rôle du docteur Mark Slow dans Grey's Anatomy. Il est décédé hier à l'âge de 53 ans. Il avait révélé en avril 2025 être atteint de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative qui lui a été fatale. Franchement, il laisse deux filles qui ne sont pas très âgées. Ils sont nés en 2010 ou 2011. Ah oui. Une carrière au cinéma et à la télévision. Il a été vu aussi dans X-Men. Il a été vu aussi dans The Last Ship. Il a eu le rôle principal dans cette série entre 2014 et 2018. Euphoria, je crois, aussi. Effectivement. J'adore cette série. Il a rejoint le casting. On avait dit qu'il y avait une nouvelle saison d'Euphoria. Oui, elle arrive en avril. Sans Eric Dane, mais voilà. Oui, effectivement, une nouvelle saison d'Euphoria d'avril. Très bien. Il a tout donné pour combattre la maladie. On pense très, très fort à toute sa famille et à tous les fans d'Eric Dane, donc, qui nous a quittés hier à l'âge de 53 ans. Dans quelques instants, nous aurons Manon en direct de Liège pour le Manon Série Quiz. Ça, c'est la surprise de la journée. Mais avant ça, encore une petite case. Et alors là, je ne sais pas si c'est fait exprès, peut-être. Voici le nouveau titre de Marguerite. Il est sorti aujourd'hui. Ça s'appelle La Bosse. On connaissait le boss, mais voici maintenant la boss. Est-ce que ce serait Manon ? C'est ta bouche, c'est tes lèvres, c'est tes lèvres qui bougent, et c'est tes mots dedans, c'est tes yeux, derrière c'est toi qui vois le monde. que tu veux. C'est toi la poste de ton jeu, fais ce que tu veux. En voyant dans la ville, y'a plus que toi qui décide. C'est toi la les vendredis dès 18h sur Fadjet, Destination Série. Destination Série, le Manon Série Quiz. Est-ce qu'on m'entend ? Oh, mais qui est là ? Mais t'as pas l'accent belge quand t'es à Liège d'habitude ? Et non. Alors, comment ça va ? Mais ça va bien, mais tu nous manques, Manon, c'était tellement bien la semaine dernière. Vous devez être tranquille, hein, y a moins de personnes pour vous embêter. Hein. C'est plus calme. C'est plus calme, effectivement. Et j'ai entendu la chanson de Marguerite, là, c'est un petit banger, là, je n'avais pas entendu encore. Eh non, elle est, elle est sortie ce matin, la chanson de Marguerite, et c'est tiré du nouvel album, enfin du nouvel album, de son premier album. Elle prépare un album, Marguerite, et ce sera le premier titre, La Bosse. Eh bien, franchement, j'adore. Et est-ce qu'on pourrait pas passer la semaine prochaine ou je sais pas quand ? Tu te rappelles de Benoît Le Boss ? Est-ce qu'on se rappelle ? La radio est fermée la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. Pas la semaine prochaine, la semaine après. Il y avait ma chanson Le Boss, oui, c'est vrai. Mais il y a plein de boss. Il y a un boss qui nous écoute aussi, de l'autre côté, à Blainville, là, qu'on embrasse. Il y a toi, la boss aussi. Et puis, voilà. Puis Sylvain, qui aura bientôt sa chanson. Hein. On ne sait pas. Il faudrait peut-être recommencer à jouer pour ça. Oui, c'est vrai. Allez. Belle transition, puisqu'on va recommencer à jouer, même s'il n'y a pas exactement les mêmes règles que les autres semaines. Aujourd'hui, je refais le concept que j'avais fait la semaine dernière, vous avez bien kiffé. Oui. Je vais vous donner des speeches de séries. Il va falloir deviner si ce sont des séries qui existent ou qui n'existent pas. Et petit bonus, si vous arrivez à trouver le nom de la série. Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est bon, on essaye. Alors, la première, c'est un professeur de chimie malade. Oui, c'est Breaking Bad. Ouais, Breaking Bad. Oui, pour fabriquer et vendre de la drogue, bravo, c'est bien Breaking Bad. Un point pour Sylvain. Tu l'avais, Benoît ? Oui, il l'avait aussi. J'ai dit Breaking, oui, mais voilà. On l'avait tous les deux. Mais il est redoutable. Il est à fond, Sylvain. je vois ça. Allez, deuxième. Des survivants tentent de vivre dans un monde envahi par des morts vivants. Est-ce qu'on peut dire non à cette question? Comment ça s'appelle? Walking Dead. Il y a tellement. Oui, c'est The Walking Dead. Bravo. Il y en avait plein. Hein. Ça aurait pu être aussi. Voilà, ouais. Ça aurait pu être The Last of Us aussi. Il y en a aussi. Plein. Mais... J'ai pas voulu être ridicule, j'ai rien dit. Un roi médiéval tente de gouverner un royaume entouré de chevaliers incompétents. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Oui, puisque c'est Kaamelott. Ah oui, Kaamelott, oui. Ah bah oui, évidemment, oui, Kaamelott. Tu parles, c'est tout ce que j'aime bien. Oui. Effectivement, c'est bien Kaamelott, bravo Sylvain. Il est fort aujourd'hui. Hein. Mm. Des braqueurs organisent un casse monumental sous la direction d'un stratège. La Casa del Papel. Bravo. Alors je l'ai pensé, mais lui l'a dit. On est très complémentaires. Ouais. En fait, il a lu dans mes pensées, donc je vais me cacher. Ah là là. Un inspecteur proche de la retraite rouvre une affaire vieille de 25 ans liée à la disparition d'un enfant. C'est vrai ça aussi, mais ça j'ai pas dit vrai. Hein. Ah ouais, ça pourrait quand même. C'est tous les trucs de TF1 là, il y en a plein là. Oh. Non mais il me faut une réponse. Non mais là si elle fait ça, c'est parce que ça n'existe pas. Ah c'est pas vrai. Donc c'est pas vrai. Vous dites quoi du coup? C'est pas vrai. Effectivement, c'est faux, mais j'avoue que ça aurait pu être vrai. Ça peut ressembler. Je te décode trop bien maintenant. Mais là, c'est vrai que Sylvain a l'art de trouver là où quand c'est pas vrai. Hein. Il a le petit Manon, le décodeur Manon. Je sais pas comment il fait, mais en tout cas, effectivement. C'est de la psychologie. Voilà. Ah non, c'est moi qui en psycho quasiment. Et moi, j'ai fait informatique, tu vois, ça m'a pas aidé. À Allez, on enchaîne. Un ancien hacker repenti est contraint d'aider les autorités après la fuite de données massives. Mais ça, tu nous l'as fait la semaine dernière. C'est ça, pas FBI. Non, ça n'existe pas. Duo très spécial. Elle l'a fait la semaine dernière. Si elle me dit que c'est vrai, je la crois pas. FBI, duo très spécial. Non, ça existe ça pas. À ça, non. Non, c'est non, bullshit. Ou style. Alors, c'est quoi la réponse? Ou style. Non. Style. Non. Ça aurait pu être style, mais effectivement, c'est faux. Et j'ai joué sur le fait que j'avais fait la semaine dernière. Oui, mais je m'en suis souvenu. Ils vont dire que j'ai trouvé une série avec un hacker, mais non, toujours pas. Non, mais il te décode. Alors, trop facilement. Hein, juste c'est... un truc, regarde Mister Nobody à tout hasard, parce que c'est très proche. Hein. Bon, bah la semaine prochaine, tu sais que je vais poser une question sur ça alors. Peut-être. Dans 15 jours. Pas la semaine prochaine, du oui. coup, toujours. Dans 15 jours. Ouais, dans 15 jours. Allez, la septième. Une mère au passé trouble s'installe avec ses enfants dans une nouvelle ville pour repartir de zéro. Mais ses secrets refont surface. C'est. Oui. Jenny et. Jenny et. Georgia et. C'est beau, hein? C'est Ginny et Georgia. Ginny et bravo. Georgia, voilà, c'est ça. Waouh! Ah oui! T'as retrouvé le nom, bravo! Oui, j'aurais dit Weeds, mais c'est pas pareil. Ah, voilà. Bon. Allez, on enchaîne. Une petite ville devient le centre d'une enquête internationale après une disparition inexpliquée. Twin Peaks! Attends, j'ai pas entendu le début. Tu peux répéter parce que là, des fois, tu prends l'accent belge, c'est dur à comprendre. Une petite ville devient le centre d'une enquête internationale après une disparition inexpliquée. Waouh. Ça aurait pu être Twin Peaks. Ouais, non. C'est pas une disparition, parce que c'est un meurtre dans ouais, Twin Peaks. Oui, c'est vrai. Mais au départ, elle est disparue. On sait pas qu'elle est morte. Ah non, elle meurt dans le premier épisode, ah oui, dans les dix oui, premières oui, minutes. C'est vrai, c'est exact. Oui. Non, c'est pas le thème. Mais je sais pas. Moi, je dis que ça n'existe pas. Ça n'existe pas? Non. Qu'est-ce qu'il dit, Benoît? Bah, je sais qu'il a raison. Il a le flair pour ça, donc je le suis. Eh ben, c'est vrai, c'était faux. Non, mais j'avoue que ça aurait pu être vrai. Genre, vraiment, celle-là, elle est vraiment plausible. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'était, ça pouvait être plausible, ouais, mais bon. Ouais. Allez, avant-dernière, une équipe de négociateurs intervient pour gérer des prises d'otages, retransmises en direct sur les réseaux sociaux. Ben, ça ressemble un peu à SWAT, mais bon. Je dirais, moi, je sais pas, là, je suis pas fort là-dedans. Ah, j'avoue que. Non, tu sèches aussi, moi. Ouais, non. Il est tout sec, là. Je vois, il est tout sec. Ça fait deux fois de suite qu'elle nous dit que ça n'existe oui, pas. Ça, là, à mon avis, ça doit exister, là, non, non. Ah, toi, tu fais comme ça. Bah, je dis non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas non plus. Non, mais attends, elle ne sont pas toujours d'accord avec moi. C'est, non, mais je ne sais pas. C'est flatteur, mais j'ai pas toujours raison dans la vie. Il faut que tu le saches. C'est une scène de ménage. Non, mais Benoît, il me croit à chaque fois quand je dis que c'est faux. Non, moi, je dis que c'est faux, mais Benoît, peut-être, tu as une idée. Bah, non, j'ai pas d'idée, justement. Donc, quand t'as pas d'idée, c'est faux, alors. Bah, si, mais je vois pas. Je vois pas, donc... C'est faux. Bon, c'est faux. On est tous les deux d'accord pour dire que c'est faux. Eh ben, c'était faux. Bravo. Tiens, moi j'ai T'as le flair de me suivre. Voilà. Toi, t'as le flair de trouver quand c'est faux et moi, j'ai le flair de te suivre. Parce que tu t'es jamais trompé. Sur les faux, non. Sur les faux, non. Donc, non. Voilà. J'adore. Bravo. Allez, la dernière. Dans une petite ville des années 80, la disparition d'un enfant révèle des expériences secrètes et l'existence d'un monde parallèle. Ah, je vous ai mis bouche bée, carrément. On aura envie de la voir, cette série. C'est ouais, ça, oui, c'est vrai que ça donne envie. Oh, c'est un mélange de dark, de plein de choses. Vous l'avez peut-être vu. La disparition d'un enfant dans les années 80. Waouh. Ah non, c'est pas possible, je sais tout ce qui s'est passé dans les années 80. Est-ce que c'est une série des années 80? Non, tu vas pas répondre. C'est pas une série des années 80, ça peut être actuel comme Stranger Things, mais... Bah, c'est Stranger Things. Stranger Things, si ça se trouve. Oui, c'est Stranger Things. Eh ben oui, c'est Stranger Things, bravo. J'y pensais, mais je disais Le chemin mental que j'ai dû faire, t'imagines même pas. Moi, je voyais ça, mais je me suis dit, c'est pas... Je l'aurais pas décrit comme ça, mais... Là, je me suis fait un nœud au cerveau, j'ai une luxure. Non, c'est excellent. Ah non, mais bravo Manon, là, c'était excellent. J'adore ce concept. Ce concept-là est... Parce que ça nous fait torturer. Peut-être dans le Manon Chéricouis, quand il y aura Laurent, alors. Comme ça, on teste aussi Laurent. Ah bah Laurent, je pense qu'il va être fou avec ça, il va être fou. C'est vrai. Et voilà, c'est fini. Pour un grand merci en tout cas, bravo. Hey, je vais peut-être ajouter des points bonus à Sylvain là, parce que quand même, il a un flair. Oui, il a un sacré flair pour découvrir tout ce qui est faux. Ouais. Et ouais, moi, ouais. J'ai un flair pour le suivre. Voilà. Oui, mais il est toujours d'accord avec moi, ça doit compter. Hein. Voilà, ça marche. Merci Manon, on se retrouve dans 15 jours bien sûr et passe une Salut, bonne Manon. Quinzaine. À très très bientôt.